Le secrétaire général du comité central du Parti populaire révolutionnaire Lao, Bunyan Vorati, a fait parvenir une corvée de fleurs au maréchal Kim Jong-un à l'occasion du 71e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée. L'ambassadeur laotien en Corée, Pongkam Intabwari, l'a remise le 6 courant à Lee Soo-yong, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée.